Elle a dîné très peu de tartines beurrées. Bouge tes yeux, un grand bol de café. Son regard silencieux s'est retrouvé bientôt. Mouche tes yeux, inondés de sanglots. Avant de se coucher, elle a tardé beaucoup, épuisée, des larmes sur les joues. Elle sentait son ventre, dur comme un bout de bois. Dans la chambre, que le lit était froid. Où commence la mort, où finit le sommeil, quand on dort sans rêver de réveil. Elle dormait depuis peu, le réveil a sonné. Bouge tes yeux, alors elle s'est levée. Elle a mangé un peu, biscotte et Nescafé. Bouge tes yeux, est partie travailler.